Une. Activité 1, 2 et 3. 1. Une. A. 1. B. Une journaliste. C. Un astronaute. A. 1. Une. B. Un juge. Une juge. C. Un artiste. Une artiste. D. Un pianiste, une pianiste.